Persikos odi puera paratus, displicent nexae pilura coronae, mitte sectari rosa quolo corum sena moretur, simplici myrto nilan labores sedulus curum. Pour choper tes têtes, lui envoie la monnaie, au son du racket ratisse les porte-monnaie, l'enfant mauvais, anti-Jean Huppé, anti-snobinard, antiseptique d'eau noire, désinfecte, puis j'inspecte, j'intercepte les insectes. Les cons qui nous méprisent chez eux, c'est intrinsèque. Alors je me pose mon nom comme fer de lance. Le E, le K, le O, sonne la vengeance. Musique de rue, pardonne-moi si je te corrue. Puis tout jeune, je rêve debout, devant les sous que je n'ai pas eu. Ici c'est la base, les épaules sont solides. J'avance case par case, je travaille comme seul guide. Je veux pas faire demi-tour, je suis trop loin du départ. J'ai passé trop d'heures à écrire tous les soirs. Ma main sans stylo ferait des bêtises. Heureusement que le micro a son emprise. On s'était ravagé par l'esprit du micro. Pas besoin d'exorcisme, le rap j'en suis accro. Ravagé, j'suis un diable au micro. Rappel, exorciste, c'est trop tard pour écho. Possédé, ravagé par l'esprit du micro. Pas besoin d'exorcisme, le rap j'en suis accro. Possédé, ravagé, j'suis un diable au micro. Rappel, exorciste, c'est trop tard pour écho. Le coup qui tourne 360 degrés. Les yeux révulsés, mon crachat j'viens lancer. Les abîmes d'âme, j'suis à fond dans le rap. Pour sauver mon âme, ils ont appelé le pape. Mais la rue m'acclame, fait parler les fat cap. Du chrome sur les murs et les puces on s'en tape. Ma voix devient rock, l'esprit sort de ce corps. Moi faire du rock, là je peux pas trop hardcore. Les murs tremblent, la vaisselle tombe par terre. À un mètre du sol, mon corps plane dans les airs. Petit curé, qu'espères-tu faire? Mon paradis provoquera ton enfer. M'exorciser, non, jamais. Arrête tes prières et balance ton chapelet. L'esprit qui m'habite déteste l'indifférence. Je rappe pour le public et je m'étends sur la France. Possédé, ravagé par l'esprit du micro. Pas besoin d'exorcisme, le rap j'en suis accro. Possédé, ravagé, je suis un diable au micro. Rappel, l'exorciste, c'est trop tard pour écho. Possédé, ravagé par l'esprit du micro. Pas besoin d'exorcisme, le rap j'en suis accro. Possédé, ravagé, je suis un diable au micro. Rappel, l'exorciste, c'est trop tard pour écho. Je suis un dérangé, véritable enragé. Je lâche plus le micro, mes mains y sont collées. Émanation verbale, le public est scotché. Si les voisins râlent, qu'ils aillent se faire enculer. Violent, violent, c'est la voix du démon. Violent, violent, ça personne ne le dément. Mon son, c'est de l'horreur que je sers en audio. T'échappes de la peur, tétanise les idiots. Un rappeur d'enfer vient cramer ta radio. Regarde ma bannière, elle est à top niveau. Ma voix sur le CD, t'appuies sur repeat. Tu kiffes sur mon rap comme une meuf sur Brad Pitt. L'apocalypse, dragon à 7 têtes. 4 anges dans le ciel font sonner leur trompette. Au point cardinaux, tous les vents qui s'arrêtent. Écho, c'est l'ange noir qui provoque ta défaite. Possédé, ravagé par l'esprit du micro. Pas besoin d'exorcisme, le rap j'en suis accro. Possédé, ravagé, j'suis un diable au micro. Rappel, l'exorciste, c'est trop tard pour écho. Possédé, ravagé par l'esprit du micro. Pas besoin d'exorcisme, le rap j'en suis accro. Possédé, ravagé, j'suis un diable au micro. Rappel,